24 heures d'infidélité par la comtesse d'H. 1728. Il faisait un froid glacial. On était dans les premiers jours du mois de décembre. Deux jeunes filles jouaient avec des boules de neige dans le parc réservé de Versailles. Ces deux jeunes filles étaient Mesdemoiselles de Mauvert, sorties à peine de Fontevraud, et appelées à la cour sous la direction de la marquise de Beaubourg, leur sœur, mariée depuis plusieurs années et beaucoup plus âgée qu'elle. Mesdemoiselles de Mauvert étaient plutôt gracieuses et agréables que régulièrement jolies. Attachées à la maison de la reine Marie Lesinska, qui venait de se marier, en qualité de fille d'honneur, elles n'en faisaient point encore les fonctions, et déjà leur mariage était arrêté. Madame de Beaubourg, très en faveur près de Madame de Prie, maîtresse de Monsieur le duc de Bourbon, alors tout-puissant ministre, avait obtenu pour elle une liberté plus grande que celle dont jouissait leur compagne. Liberté dont elle profitait en les laissant presque toujours sous la garde de leur gouvernante pendant qu'elle allait à Paris ou à ses châteaux. « Ma sœur, dit l'une des jeunes filles, il va falloir rentrer. Madame de Beaubourg reviendra à 4 heures et elle compte sur nous. Elle ne rentrera pas, je sais où elle est. Où cela? J'ai la duchesse de Mirepoix. On y joue, cela durera jusqu'au souper. Vous jugez bien mal notre sœur, ma chère. Elle tient toujours ses promesses. Bon. Encore une fois, rentrons. D'ailleurs, je suis gelé. Le roi va venir. À 7 heures, il ne sort jamais. Il sortira. Qui vous l'a dit? Monsieur de Fressange, répondit-elle en baissant les yeux. Voilà le vrai motif. Monsieur de Fressange est de service, c'est lui que vous attendez. Eh bien oui, où est le mal? Il n'y en a pas, puisque vous êtes fiancé. Mais le vicomte de Saint-Leu m'attend aussi dans notre salon. Rien de plus juste, c'est aussi votre fiancé. Mais comment faire? Cela devient très embarrassant. Appelons Madame Delin. Madame Delin, la gouvernante, se promenait dans l'allée pour se réchauffer. Elle accourut à la voix de ses élèves et les interrogea sur la cause de leur discussion. Elles la lui racontèrent en lui demandant son avis. « C'est tout simple, dit-elle. Sa Majesté ne viendra pas. Elle serait sortie. Il faut rentrer, cela est plus sûr. Monsieur de Fressange arrivera certainement après le coucher du roi. De cette manière, nous arrangerons tout. » Amarante de Mauvert, l'aînée des deux sœurs, écouta avec joie cette décision souveraine. Jeanne, la plus jeune, n'osa répliquer, mais elle reprit tristement le chemin du château, regardant derrière elle et cherchant à deviner si les grandes portes de l'appartement du roi n'allaient pas s'ouvrir pour donner passage à l'homme qu'elle aimait depuis son enfance. Une demi-heure après être remontée dans les entresols où elle logeait, on leur annonça à la fois la marquise de Beaubourg et messieurs de Saint-Leu et de Fressange. Elles se regardèrent en souriant. La solennité apportée à cette entrevue leur en fit deviner le motif, et elles apprêtèrent les mines d'une fille demandée en mariage. La marquise de Beaubourg entra la première. C'était une femme de taille moyenne, mince à force de maigreur. Sa peau brune et huileuse recouvrait à peine des os saillants comme ceux d'un squelette. Ses petits yeux enfoncés dans la tête pétillaient d'esprit. Son grand et gros nez aquilin retombait sur une énorme bouche, dont les lèvres épaisses et flétries laissaient apercevoir de grandes dents assez blanches, mais placées irrégulièrement. Le tour du visage était carré, les cheveux un peu rouges, le teint plombé et bilieux. Il était en un mot très difficile d'être aussi laide que Madame de Beaubourg, et parfaitement impossible de l'être davantage. Elle n'avait de joli que le pied et la main et quelque chose de fort gracieux dans la tournure. Veuve depuis plusieurs années, elle voulait avoir ce qu'elle appelait le bénéfice de sa laideur et se gênait fort peu dans sa conduite. Sans aucun tort, elle s'en donnait les apparences. Les méchants prétendaient que c'était fatuité et afin de prouver au monde qu'elle trouvait des gens capables de la compromettre. Quoi qu'il en fût, c'était une femme d'un esprit ravissant, d'un caractère parfait, d'une âme élevée. Légère et inconséquente, elle savait réparer ses fautes, il n'y avait pas moyen de lui en vouloir. En entrant dans le salon de ses sœurs, elle les embrassa toutes deux et leur demanda si elles s'étaient bien diverties, du ton d'une mère qui s'adresse à ses enfants. Les jeunes gens saluèrent. Monsieur de Saint-Leu y mit une nuance de gaieté qui n'échappa pas aux jeunes filles et qui leur donna l'espérance d'une bonne nouvelle. Amarante, dit la marquise, vous avez 18 ans, et voici le moment venu de remplir la dernière volonté de mon père en vous mariant. Monsieur de Saint-Leu, choisi par lui et par vous, me semble réunir toutes les conditions désirables. Fixons le jour de votre union afin d'obtenir le consentement du roi et de la reine, et que cela n'apporte pas de retard. » Amarante rougit, fit la révérence et ajouta que cela serait à la volonté de sa sœur. « Le 1er mai alors, si vous le voulez bien. Quant à vous, Jeanne, il faut attendre 2 ans encore. Mais pour que votre sort ne vous paraisse pas trop cruel, il a été décidé que vous prendriez dès ce soir, au cercle, votre service de fille d'honneur. Monsieur de Fressange et vous êtes bien jeunes. Ce retard est indispensable. D'ailleurs, c'est l'ordre de mon père, vous le savez. » Le soir, au jeu de la reine, on remarqua une nouvelle fille, et on annonça tout tôt le mariage de mademoiselle de Mauvert et du vicomte de Saint-Leu. Un mois après, il fut conclu dans la chapelle de Versailles, en présence de monsieur le duc de Bourbon, premier ministre. La nouvelle mariée fut présentée par la marquise de Beaubourg à leur majesté. Le roi ne la regarda pas. Passionnément amoureux de la reine, qu'il venait d'épouser, il s'était fait une loi, un mérite à ses yeux, de ne jamais savoir si les femmes qu'on lui présentait étaient jolies. C'est là une de ces folies du cœur qui s'en vont avec la jeunesse et qui prennent plus tard le nom d'illusion. Marie Leczinska, reine de France, femme de Louis XV le bien-aimé, venait de passer de la petite cour de l'ex-roi de Pologne, son père, au château de Versailles. C'était un ange plutôt qu'une femme. Son malheur fut de rester un ange et de ne pas vouloir être une femme. Plus âgée que le roi, elle était assez belle et assez charmante pour le fixer. Elle ne sut pas s'y prendre, elle se laissa guider par une dévotion exagérée, et conduisit de la sorte, sans s'en apercevoir, et petit à petit, Louis XV dans les bras de Madame de Mailly, l'aînée des demoiselles de Nesle. À cette époque, le roi ne croyait point encore à l'infidélité. Il faut en avoir été ou victime ou coupable pour en soupçonner l'existence. Autrement, nous voulons des sentiments qui ne finissent point. Nous les exigeons des autres parce que nous croyons les nôtres à l'abri de l'inconstance. La plus grande des vérités, c'est que nous jugeons toujours d'après nous. Aussi, presque toutes les femmes légères sont méchantes. On persuada la reine que son amour pour le roi était coupable par son excès même, et l'on travailla ainsi à brouiller le couple royal au profit de messieurs les courtisans qui gagnent peu de choses avec la vertu. Louis XV était le plus bel homme de son royaume. Il est impossible de s'imaginer cette admirable tête, parée alors de tous les charmes de la jeunesse, de cette pure et chaste auréole d'un amour pur et d'une des plus belles couronnes du monde. Beaucoup de dames briguaient l'honneur de ses bonnes grâces. Il ne s'en apercevait pas. Quoiqu'il eût infiniment d'esprit, il conservait une naïveté inouïe, et chaque fois qu'on lui parlait d'une femme, il demandait « Est-elle aussi jolie que la reine ?» Vers le milieu de cet hiver, le duc de Richelieu, causant avec le roi dans ses cabinets, fut amené insensiblement au chapitre de ses bonnes fortunes. Il en raconta quelques-unes très récentes et ne se gêna pas pour compromettre les noms. Louis XV l'écoutait en silence, l'admirant presque comme un être extraordinaire. « Tout cela est-il bien vrai, mon cher duc ?»« De toute vérité, sire, le roi peut s'en informer. »« Quoi ? On vous aime ainsi ?» Il y a au monde des femmes dont les passions ont cette violence. Sire, l'histoire de Madame de Nesle et de Madame de Polignac n'est ignorée de personne. Et vous trouvez aussi des occasions de caprice, de fantaisie, de ces choses qui ne durent qu'un jour, ainsi que vous venez de le dire. Ces choses-là sont les plus communes, sire. Tous les hommes en refusent plusieurs fois en leur vie, excepté moi. Vous, sire, on ne peut vous aimer que pour toujours. C'est égal. Cela doit être fort gai. Est-ce que le roi voudrait en essayer ? Le roi non, mais moi bien volontiers. Rien de plus facile. Seulement il faut trouver un prétexte pour ne pas rentrer une nuit dans la chambre de la reine. J'irai à Paris sans elle et je ne reviendrai que le lendemain. Votre majesté fera-t-elle cela ? Sans doute, Richelieu. Je ne sais, mais la reine est mal conseillée sans doute. Depuis quelques jours, elle m'éloigne par 1000 scrupules. Elle se refuse à ma tendresse sous prétexte qu'elle m'aime trop. Qu'elle craint de me donner dans son cœur la place de Dieu. Je suis triste, mécontent et je veux me distraire. Si le roi suit mon avis, Sa mélancolie sera bientôt passée. Il y a demain un bal masqué à l'opéra. Il faut y aller. Personne ne se doutera que votre majesté y soit. Et avec le masque de l'incognito, vous vous amuserez, comme un bourgeois. J'y consens. Préparez tout, mon cher duc. Demain, sous un prétexte, j'irai à Paris, et une fois aux Tuileries, nous nous échapperons. La journée sera complète. Le duc de Richelieu se retira enchanté. Il était dans la confidence du roi. Il se voyait déjà dirigeant le choix et l'inexpérience du monarque, lui donnant une maîtresse, dont le crédit soutiendrait le sien, et arrivant ainsi à la plus haute fortune. Il prit les plus grandes précautions pour cacher aux yeux de tous les projets du souverain et disposa les choses de manière à rester seul possesseur de son secret. Le roi, qui pour la première fois de sa vie avait quelque chose à cacher, fut d'une maladresse qu'il aurait trahi si la reine n'eût été une céleste créature incapable de soupçonner le mal, incapable presque de le voir quand on le lui montrait clairement. Le conseil fut congédié. Au jeu, Louis XV eut 1000 distractions. Il regarda plutôt les femmes que les cartes, il perdit sans s'en apercevoir, et en rentrant dans son appartement, il fut si longtemps à se déshabiller que la reine s'endormit avant qu'il ne l'eût rejointe. Le lendemain, ce fut encore pire. Il s'embarrassa dans les excuses qu'il lui donnait pour ne la point emmener à Paris. La bonne princesse le crut si fâché qu'elle lui répondit tranquillement « Ne vous tourmentez pas, monsieur. Je n'irai pas à Paris aujourd'hui. J'ai promis aux Carmélites de Sèvres de passer la journée chez elles. C'est la fête de leur église, et je n'y manquerai pas. » Le roi partit, rassuré et joyeux comme un écolier qui va en vacances. Il lui fallut se contenir pendant la route. Son service habituel était dans la voiture. Quelques regards, quelques sourires adressés à M. de Richelieu traduisaient sa pensée. Le duc y répondait par un respect plus profond qu'à l'ordinaire. Le souper, le coucher se passèrent comme de coutume. Néanmoins, le roi se montra plus affable. Il interrogea les courtisans, leur adressa de ces phrases de prince qui ne signifient rien et qui font des heureux. Lorsque tout le monde fut retiré, même les grandes entrées, le roi se releva. Richelieu, resté seul près de lui, l'aida à sa toilette. Ils s'enveloppèrent dans de grands manteaux et descendirent par un escalier dérobé. Le duc se nomma aux factionnaires. Ils passèrent sans opposition. Ce fut une singulière sensation pour Louis XV que de se trouver ainsi, à 10 heures du soir, dans les rues de Paris, si mal éclairé alors, accompagné d'un seul serviteur et aussi libre d'étiquette que le dernier de ses sujets. « Il n'est pas encore l'heure du bal, que faire en attendant, sire ? Votre Majesté a voulu sortir, je savais bien moi qu'il serait trop tôt. Allons devant nous, au hasard, suivons les passants, écoutons-les, ce sera drôle peut-être, comme le roi voudra. » Ils marchèrent en silence. Le roi, étonné de cette solitude, saisi par le froid auquel il n'était point accoutumé, ne disait mot et regrettait presque son lit. Enfin, aux environs du palais royal, ils aperçurent deux hommes qui causaient et se cachèrent pour les entendre. « Viens-y, disait l'un, elle te dira la bonne aventure. Tu sauras si ta femme te trompe et qui est-ce qui t'a pris ton chien. Ce n'est pas cher, pour 10 sous tu en seras quitte. Je ne puis ce soir, il faut que je rentre, il se fait tard. Mais demain, j'irai sans faute. Donne-moi son adresse. La mère Gillette, rue Saint-Honoré, 201. C'est bon, à demain. » Le roi prit la manche de M. de Richelieu et l'attirant à lui. « Si nous allions chez la sorcière, » lui dit-il tout bas. « C'est peut-être en coupe-gorge, sire. J'ai là-bas 3 domestiques en grison qui nous suivent de loin. Permettez qu'ils gardent les portes, je serai tranquille et tout ira bien. » « Comme vous voudrez, mon cher duc, je n'ai pas envie de mourir encore, ni de cette manière. Allons au numéro 201. » Ils se dirigèrent de ce côté. De temps en temps, une chaise renfermant quelques seigneurs ou quelques riches bourgeoises passait à côté d'eux dans le silence. Ils se tenaient si près des murailles que certainement, si le guet eût marché par là, on les eût arrêtés sur leur bonne mine. Il n'eût plus manqué au roi de France que de rester la nuit au violon. L'entrée de la Sibylle était facile à trouver. Une lampe jetant un reflet rougeâtre brûlait à la porte, sous prétexte d'éclairer un escalier noir qui servait de communication à tous les étages. Les deux aventuriers montèrent, et au bruit qu'ils faisaient à la porte, une douzaine de chiens se précipitèrent vers eux comme pour les dévorer. Le roi fit un mouvement en arrière, le duc entra sans se déconcerter. Cette chambre, ou plutôt ce galetas, présentait l'aspect le plus étrange. Sur une mauvaise couchette en bois, un gros chat noir, aux yeux brillants, trônait comme sur un autel. Il avait pris sa place, bien au milieu, sans s'inquiéter des réclamations des chiens à ses camarades, qui trouvaient leur part trop petite et qui exigeaient le partage de son empire. De mauvaises images clouées sur la tapisserie, criblées de trous comme une écumoire, un pot rigolé, des flambeaux dépareillés, des tasses fêlées, trois chaises, une table et un balai composaient le mobilier de la devineresse. Il fallut un quart d'heure pour se faire entendre, tant les chiens faisaient de cris. La vieille femme alla de l'un à l'autre avec une baguette, les frappa, et tout rentra dans l'ordre. « Vous faut-il un chien, messieurs ? J'en ai de très beaux à vendre, des bichons, des épagneuls, des lévriers. Nous ne sommes pas des espions, ma chère femme, mais de nets bourgeois qui viennent vous demander leur bonne ou mauvaise fortune, et qui la paieront bien. » L'hôtesse souleva sa lampe, les examina des pieds à la tête, et fit un léger mouvement de surprise qu'elle réprima aussitôt. « Donnez-vous la peine d'attendre dans cette petite chambre, messieurs. J'ai une dame, mais cela sera fini de suite. » Et après un grand salut, elle les laissa seuls, sans lumière, dans un cabinet de 10 pieds carrés où il faisait un froid mortel. « Cette femme vous a reconnu, » dit bien pas le duc. « Prenez garde. Nous allons voir maintenant comment elle se conduira. J'ai l'œil sur elle. » Ils restèrent en silence pendant quelques minutes. La dame qui se trouvait dans la chambre à côté sortit avec le capuchon de sa mante sur la tête et cherchant évidemment à se cacher. Le duc fit 2 pas, lui montra le doigt en signe de menace et lui dit à l'oreille « Monsieur de Richelieu, vous êtes bien imprudent. » Le duc tressaillit et fut au moment de la suivre. Le roi le retint, en lui faisant observer que la sorcière les attendait. Dès qu'ils eurent pris place, elle se retourna vers eux et leur demanda quel jeu ils voulaient. « Le plus grand, ma chère, » répliqua le duc, « il nous faut la vérité tout entière. » La devineresse était une femme d'une 50aine d'années à peu près. Elle était coiffée d'une sorte de bonnet noir descendant jusque sur ses yeux. Son fichu de cou en linon fort sale et fort épais laissait entrevoir une peau de parchemin. Le reste de son costume consistait en une robe brune avec une espèce de vertu gadin. Elle était laide et avait dû toujours l'être. Ses yeux seuls brillaient d'une flamme étrange. Ses manières indiquaient une éducation au-dessus de sa condition apparente. Peut-être devait-elle aussi cette espèce de distinction au frottement des gens de cour, qui ne se faisaient pas faute, à cette époque, de croyances superstitieuses. Elle prit les tarots, et faisant couper le prince, sa physionomie changea sur le champ. « Je vois ici, dit-elle, un grand personnage inconnu. Je vois une brillante étoile cachée. L'avenir est gros d'événements pour vous, monsieur. » Vous aurez beaucoup d'enfants, et vous perdrez celui qui vous sera le plus cher. Votre pléiade amoureuse est étrange. Voici d'abord toute une famille, puis un nombre inouï d'aventures, puis de longues liaisons. Vous courez un grand danger avant votre 30e année, mais vous ne mourrez pas. Vivrai-je longtemps? Plus de 60 ans. Beaucoup plus. Ceci, je ne puis pas vous le dire. En tout, votre destinée est belle. Vous êtes né sous un heureux signe. « Que ferai-je aujourd'hui ?» Elle consulta de nouveau les cartes et répondit sans hésiter « Vous vous amuserez. »« Est-ce tout ce que vous avez à me dire ?»« Oui, monsieur. »« À vous, mon cher, » continua le roi. « Je vous remercie, » répliqua le duc. « Je ne veux pas connaître l'avenir. Je trouve le présent trop joli pour le gâter. »« Alors, nous pouvons partir ?»« Sans doute. » Le duc de Richelieu ouvrit sa bourse et jeta 4 louis sur la table. La vieille se leva et fit une profonde révérence avec tant de respect qu'il n'y avait pas moyen de s'y tromper, et pour que la chose fût plus claire encore, elle prit une des pièces d'or à l'effigie du roi et la porta à ses lèvres. En sortant de cette maison, Louis XV respira fortement. Il s'était trouvé saisi par l'odeur de cet appartement renfermé, et il se trouva plus à l'aise dès qu'il sentit l'air de la rue. « Est-ce l'heure, Richelieu ?»« Oui, sire. Nous pourrons maintenant nous rendre à l'opéra. Nous n'en sommes pas loin, et il n'est pas besoin de prendre un carrosse. » Mais d'abord, il nous faut nous masquer et mettre un domino. Mes gens doivent avoir tout cela. Il appela ses domestiques. L'un d'eux portait dans un carton 2 dominos bleus de ciel et les masques semblables. Le roi et le duc les passèrent par-dessus leurs habits, fort simples et sans aucune décoration. Puis ils se donnèrent le bras et firent leur entrée au bal. « Toutes les femmes sont masquées, mon cher duc, » dit le roi à l'oreille de son compagnon. « Comment les reconnaîtrais-je ? Et où en trouver une qui s'occupe de moi ?»« Cela me regarde, sire, ne vous en inquiétez pas. » Et tenez, en voici déjà une qui se prend au piège. Voyez ce domino lila. Ou je me suis bien trompé, ou il nous attaquera. Je vais l'interroger. Tu nous suis, beau masque? Est-ce à nous que tu as affaire? À vous-même. Ah, tu nous connais donc? Parfaitement. Et qui sommes-nous? Toi, tu es un beau papillon, si fier de ses ailes qu'il se croirait déshonoré en se fixant une heure. Tu as de l'esprit plus que tu ne crois. De la beauté moins que tu ne veux. Tu t'es proclamé toi-même invincible. Il faut qu'on t'aime parce que tu n'aimes pas. Et le plus grand charme que je te connaisse, c'est ton indiscrétion. Cela occupe de toi, cela excite la curiosité, la coquetterie. On te résiste par amour propre. Et on te cède par dépit, dans l'espoir de te retenir. Ce qui ne sert qu'à te faire envoler plus vite. Est-ce bien cela? À peu près. Et toi, m'as-tu fixé une heure pour me servir de tes paroles? Jamais. Tu ne t'es pas adressé à moi. Tu connais trop ton monde. Tu as bien soin de ne demander qu'à celle qui s'offre d'avance. Tu es donc prude? Non, je suis prudente, ce qui n'est pas la même chose. Et monsieur, qui est-il? Monsieur? Oh, c'est différent. Je ne le dirai qu'à lui. Cela signifie qu'on me prie de m'en aller? Absolument. Faut-il vous quitter, sire? Demanda-t-il bien bas au roi. Sans doute. Et où vous retrouverai-je? À 2 heures du matin, près de ma loge. J'y serai. Par un mouvement involontaire, il salua. Le domino le regarda partir. Pour un ancien roué de monsieur le régent, il est bien maladroit, dit-elle. Si on l'avait examiné, tout le monde saurait qui il salue. Le roi offrit son bras à l'inconnu qui hésita à le prendre. Je n'oserai jamais, continua-t-elle. Cela est de rigueur pourtant, ou nous ne causerons pas. Elle se décida. Vous me connaissez donc, madame. Et qui pourrait vous méconnaître lorsqu'on a eu le bonheur de vous voir? Qui suis-je donc? Vous êtes celui devant qui tous les genoux fléchiraient si vous ôtiez ce masque, celui que tous les cœurs chérissent, que toutes les voix glorifient, que tous les vœux entourent. Vous êtes le bien-aimé. Je voudrais surtout être le vôtre. Ah, sire, taisez-vous. C'est un secret. Si on me savait ici, je serais désespéré. Le domino se mit à rire. Vous êtes encore bien jeune, monsieur, et l'on peut vous donner une leçon. J'avais cru vous reconnaître, mais j'hésitais. Votre crainte m'a apporté une certitude. Si vous voulez réussir au bal masqué, veillez davantage sur vos premiers mouvements. Je me le rappellerai, madame. Et maintenant, qu'avez-vous été faire, rue Saint-Honoré? Qui vous l'a dit? Je vous ai vu. Quoi, c'était vous? Moi-même. Et si je vous demande votre nom? Je ne vous l'apprendrai point. Voyons, mettez-moi sur la voie. Êtes-vous de la cour? Hélas, oui. Je vous vois souvent, sans cesse. Êtes-vous belle? C'est mon secret. Montrez-moi votre main. La voilà, répondit-elle en ôtant son gant. Elle est charmante. Il n'y a à Versailles que 2 femmes qui en aient d'aussi remarquables. La reine et la marquise de Prie. Je n'ai pas le bonheur d'être l'une, et j'ai l'honneur de ne pas être l'autre. Ah, de la malice! Ne faut-il pas à la plus charmante rose quelques épines? Vous avez beaucoup d'esprit. J'en ai eu. Je ne sais au juste ce que j'en ai fait. J'en ai tant semé par les chemins qu'il s'est éparpillé. Il vous en reste assez pour être la femme la plus spirituelle de la cour. On me l'a souvent répété, je n'en ai jamais rien cru. Êtes-vous des cercles de la reine? Oui. Oui, monsieur. Ne vous ai-je donc jamais parlé? Souvent, presque tous les jours. J'ai eu l'honneur de faire votre partie. Que pensez-vous de mon compagnon? Je n'en pense rien. Un homme si brillant, si remarquable, un vainqueur de ruelle. Peut-être est-ce pour cela? Prenez garde. Je croirais qu'il y a de la vengeance. Il vous aura quitté. On ne me quitte jamais, monsieur. Je comprends. Vous n'en laissez pas le temps? Non, c'est qu'on ne me prend pas. Quelle fierté! J'ai droit, car j'y repousse avec perte tout ce qu'il y a de plus élégant à Versailles. Vous êtes avantageux, beau masque. Ne me jugez pas mal, je vous en supplie. Je ne puis rien avoir de vous que votre bonne opinion, et je serais trop malheureuse de la perdre. Le roi commença à se trouver embarrassé de sa contenance. Il comprenait à merveille qu'ici allait s'ouvrir le combat de galanterie, et il ne savait comment faire. Heureusement, il avait pour adversaire une femme d'esprit, elle lui épargna les préliminaires. N'est-il pas vrai, monsieur, que vous êtes tout fier de votre escapade? Et que rien ne vous semble si doux que votre liberté. Aller dans la même soirée chez la Gillette et au bal de l'opéra, c'est un joli début. Que vous a-t-elle annoncé, cette sorcière? De fort belles choses, auxquelles je croirais si j'étais un peu présomptueuse. Faites-moi juge. Elle m'a prédit que bientôt on m'aimerait à la fureur, et que je serais obligé d'y répondre. Cela est-il vrai? Je n'en sais rien encore. L'inconnu baissa les yeux, le roi rougit. On a dû vous aimer souvent, madame. On vous l'a dit, probablement. Vous désirez savoir ce que l'on m'a dit? Oh, rien n'est plus facile. Je sais bien surtout ce que je voudrais vous dire, c'est que vous me plaisez infiniment. Comment? Sans m'avoir vu? Oui, je vous le répète, infiniment. Et si je suis très laide? Est-ce que cela se peut, avec cette voix, cette main, ce pied? Tout cela est souvent trompeur. Et c'est si triste et si cruel d'être laide. Je ne comprends pas les femmes qui cherchent des hommages sous leur masque, tandis que leur conscience leur répète qu'en le quittant, elles seraient abandonnées. Est-il des jouissances possibles avec une pareille certitude? Vous ne savez pas cela? Non, non, je l'ai vu seulement. Vous êtes bonne. Ne faut-il pas être un peu de tout? N'y a-t-il pas moyen de causer ailleurs qu'au milieu de cette foule? C'est impossible à l'opéra, à moins d'avoir une loge. Vous n'en avez pas? Non, je n'ai point l'habitude des bals masqués. Ne peut-on, avec de l'argent? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, je vous demanderai la permission de ne pas vous y suivre. Que craignez-vous? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Ne vous en fieriez-vous pas à ma parole? Vous êtes trop bon gentilhomme pour y manquer. Eh bien, si je vous la donnais de n'être pour vous que ce que vous me permettrez d'être, et de vous accorder ce que vous me demanderez, me suivriez-vous? Pas ici, c'est impossible. Et où donc consentiriez-vous à me voir? À Versailles, un jour d'appartement. Oh, madame, vous êtes bien sévère. Je suis ce que je dois. Et vous refusez parole et promesse? J'accepte l'une et l'autre. Que me donnerez-vous en échange? Une parole et une promesse. Lesquelles? Je vous les dirai à la fin de la soirée, si vous le voulez bien encore. J'en prends acte. En ce moment, M. de Richelieu s'approcha d'eux. Eh bien, beau masque, vous amusez-vous? J'espère que oui, répondit le roi. Pour ce qui me concerne, je suis enchanté. Et vous, ma belle enfant? Monsieur le duc, on n'avoue ces choses-là qu'à une seule personne. Je comprends, et je me retire. C'est ce que vous ferez de mieux. Qu'il est heureux, continua Louis XV, quand il fut parti. Qu'il est heureux, ce cher duc, il a toujours de l'esprit. Il a grand besoin d'en avoir, car il en fait une terrible dépense. Que ne dépense-t-il pas? Mais on l'aime beaucoup. Quel soupir de regret, monsieur! Qui donc est plus aimé que vous? Et mon Dieu! On dit que tout le monde m'aime, je le désire. Mais ce n'est rien d'être aimé par tout le monde. C'est cependant une belle couronne que l'amour. Je le sais, hélas, et je ne l'aurai jamais. Je ne comprends pas cette idée, monsieur. Vous avez 20 ans, vous êtes ce que vous êtes, et le plus bel avenir est à vous. Vous vous trompez. Je ne serai point heureux, j'en suis sûr. La sorcière vous l'a prédit ce soir? Au contraire. Elle m'a annoncé des triomphes et de l'amour, comme à vous. J'attends la grande passion, nous verrons bien. Me promettez-vous de me dire si la prophétie se réalisera? Je vous le promets. Ils approchaient d'un banc qui se trouva vide. Le roi proposa à sa compagne de s'y asseoir. Ils continuèrent leur conversation à voix basse. Le masque fut charmant. Tour à tour gai, mélancolique, emporté, malin, tendre. Il changea 20 fois de caractère et de façon. Louis XV, accoutumé à la gravité de la reine, à une cour sérieuse, se laissa enivrer par cette verve étourdissante. Sa tête s'exalta, et il prit pour de l'amour cette mousse brillante qui monte au cerveau et qui l'égare aussi bien que le sentiment le plus réel. « Oui, disait-il, oui, je vous aime. Vous m'avez appris ce que j'ignorais. Pour la première fois, je comprends l'esprit, je l'apprécie ce qu'il vaut, et c'est une jouissance inexprimable. » « Oh, je vous en supplie, laissez-moi voir votre visage. Dites-moi votre nom, que je sois certain que tout ceci n'est point un songe, que je vous retrouverai. »« Sire, je vous demande en grâce. »« Je n'entends rien, je veux vous voir demain. Vous viendrez au Louvre. Je m'y rendrai par les galeries. Personne ne le soupçonnera. Vous ne pouvez me refuser cette faveur. »« Non, non, sire, n'insistez pas, je vous en conjure. »« Je l'exige, et je ne comprends rien à votre résistance. » « N'avez-vous pas ma parole de gentilhomme que je vous respecterai, quoi qu'il m'en coûte ?»« Je n'en doute pas. »« Eh bien alors, j'irai. »« À mon tour, je vous jure de m'y rendre, Vous saurez qui je suis, je vous le promets. J'accepte. Maintenant, séparons-nous. Le duc vous attend, sans doute. Je ne veux plus le revoir. Il finirait par me reconnaître et tout serait perdu. Oh oui, gardons pour nous deux ce joli mystère. Venez, demain, masqué, que personne ne vous devine. Laissez-moi le bonheur d'enlever moi-même cet obstacle qui me cache vos traits. Il sera fait selon vos ordres. Donnez-moi votre main, prenez cet anneau, je ne l'ai jamais quitté. Il vient de mon aïeul. Toutes les fois qu'il me sera présenté, je ne refuserai rien en son nom. Je vous dois les premières heures de plaisir que j'ai connues. Qui que vous soyez, je m'en souviendrai toujours. En finissant ces mots, il lui passa au doigt une admirable bague en diamant, dont la monture antique ne démentait pas l'origine. Le domino s'inclina profondément et s'éloigna sans rien dire. Le duc de Richelieu attendait le roi depuis longtemps. Il s'avança vers lui. « Vous êtes seul, monsieur ? » lui demanda-t-il. « Allons-nous donc nous coucher à jeun ? À moins que vous ne me traitiez, je ne vois pas le moyen de faire autrement. Je n'ai que mon encas et, comme je tiens au secret le plus absolu, je ne veux éveiller personne aux Tuileries. Si j'osais vous offrir un souper impromptu ? Non, mon cher duc, une autre fois. Ce soir, je suis sous l'impression de ma conversation. Je ne veux pas la perdre. Cette nuit a été délicieuse. Que je vous remercie de m'avoir amené ici, et quel bon génie m'a guidé ce soir chez la sorcière. Cette adorable femme y a vu, voilà pourquoi elle m'a reconnu si vite ici. Je ne sais pourquoi je n'ai pas grande opinion de cette aventure. La voix ne m'est pas étrangère, mais je ne puis me souvenir à qui elle appartient. Si c'était à une jolie femme, je me la rappellerais. Je n'oublie le signalement d'aucune. Cette femme doit être laide. C'est impossible. Elle l'est. Cela ne peut être autrement. Elle a un esprit d'ange. Et un visage de démon, nous connaissons cela. Et quelle main, quel pied. C'est toujours ainsi. La nature se moque de nous. Mon cher duc, vous êtes bien désenchantant. Que voulez-vous, sire? J'ai été trop enchanté en ma vie, il faut que cela finisse. Rentrons, je suis un peu fatigué. Je n'ai pas l'habitude de veiller si tard. Ils prirent la voiture du duc et bientôt arrivèrent aux Tuileries. Comme en sortant, M. de Richelieu se fit reconnaître des sentinelles, et tous les deux se glissèrent par un escalier de service dans les appartements royaux. Le duc remplit les fonctions de valet de chambre, et bientôt Louis XV se trouva rétabli dans son lit conjugal, d'où il était sorti pour la première fois avec un projet d'infidélité. Il ne dormit pas de la nuit. Quand on entre dans la carrière des passions, les débuts sont ennemis du repos. C'est une si grande nouveauté pour une âme tranquille jusque-là, que ces agitations fiévreuses dont rien n'avait encore donné la mesure. On est si étonné des mouvements tumultueux du cœur, de ces convulsions morales qui bouleversent tout l'être. Mais aussi lorsqu'on a pris l'habitude des émotions folles, lorsqu'on a livré carrière aux désirs insatiables, et sans ces renaissants qu'amènent les jouissances et les douleurs, on ne peut plus vivre sans elles. Il faut sentir quelque chose, il faut souffrir, il faut attendre, il faut pleurer ou mourir. Le grand et le petit lever eurent lieu comme à l'ordinaire. Le roi ne voulut rien déranger à ses habitudes. Il craignait les commentaires d'une cour toujours disposée à interpréter les actions du maître. Son visage pâle servit de prétexte à sa préoccupation. Il se prétendit souffrant et excusa de la sorte ses nombreuses distractions et son silence. 20 fois, il regarda sa pendule. Le temps lui semblait d'une lenteur inaccoutumée. Heureux âge, où chaque sensation est une surprise, où l'on apprend à la fois le bonheur et l'espérance. Hélas, quand de tout cela il ne reste que des cendres, c'est alors qu'on apprend encore la triste science des regrets. L'ordre avait été donné au Louvre de laisser entrer dans les appartements une dame qui demanderait à les visiter à 2 heures, et qui montrerait pour passeport une bague de diamants. Le concierge savait qu'un seul mot à cet égard, la moindre indiscrétion le ferait chasser sur le champ. Il fallait aussi laisser la dame inconnue monter sans guide dans les galeries, en lui indiquant seulement la chambre désignée pour le rendez-vous. Un peu avant 2 heures, Louis XV sortit de son cabinet avec le duc de Richelieu, chargé d'écarter les importuns et de faire taire les questionneurs. Le roi voulait, disait-on, chercher pour la reine l'emplacement d'un oratoire donnant vers Saint-Germain-l'Auxerrois, afin qu'elle fût plus à même de suivre les offices sans se déranger et de s'unir d'intention aux fidèles. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte désignée, M. de Richelieu fit un profond salut et sortira dans une autre pièce, assez près pour accourir au moindre mot, assez loin pour ne rien voir et ne rien entendre. En entrant dans l'appartement, Louis XV y trouva une femme en grande parure, le visage couvert d'un loup, et qui se tenait debout auprès de la cheminée. En apercevant le roi, elle fit un profond salut, semblant très embarrassée de sa contenance et très peu disposée à commencer la conversation. Le prince marcha vers elle et lui prit la main, plus troublé qu'elle encore. « Que c'est aimable à vous d'avoir tenu votre promesse. »« Sire, » murmura-t-elle, « remettez-vous, madame, et ne craignez rien. Oubliez le roi. Que ne peut-il oublier comme vous sa couronne ? Je suis encore, je serai toujours, le masque d'hier, trop heureux d'obtenir de vous un regard, un sourire, quelque chose enfin qui lui fasse croire à de l'amour. » Elle ne répondit pas. Le roi la conduisit vers un fauteuil. « Veuillez vous asseoir, madame, et causons. Ne vous repentez-vous pas de ce que vous m'avez promis hier ? Non, sire, je me souviens de tout. Vais-je donc obtenir la permission d'enlever ce masque ? Et me laisserez-vous enfin savoir qui vous êtes ? Sire, je vous en conjure, je vous en supplie. N'y voulez-vous pas consentir, madame ? Allez-vous mentir, à la fois jurer ? Oh, si je n'avais pas donné la mienne, je découvrirais bien vite ce mystère. Vous êtes le maître, sire, reprit la dame. Vous pouvez commander, j'obéirai. Le maître ? Commander ? Obéir ? Que signifie cela ? Vous êtes ici souveraine, madame. Croyez-vous donc que le roi de France ignore les droits de l'hospitalité ? Si vous m'ordonnez de renoncer au bonheur que je m'étais permis, je me soumettrai sans murmure et j'attendrai. Pardonnez à ma timidité, à mon émotion, sire. Je tiendrai néanmoins ma promesse. Vous pouvez ôter mon masque. Le roi était trop jeune pour savoir qu'il y a certaines femmes qu'il faut toujours faire semblant de violenter et qui se croiraient déshonorées en avouant franchement leur amour lors même qu'elles en éprouvent le plus grand désir et qu'elles ont l'intention de le faire. Elles ne peuvent vivre sans détour et sans feinte. Ces femmes-là sont rarement franches, et si j'étais homme, je ne serais ni charmé ni flatté de leur faiblesse. Le roi crut manquer à son serment en insistant sur celui qu'il avait reçu. Quant à la femme, elle sentit qu'elle avait dépassé le but et qu'il fallait retourner en arrière. Elle répéta donc sa phrase et en attendit le résultat. « Êtes-vous bien décidée, madame, et très certaine de ne pas vous en repentir ?»« J'attends le bon plaisir de votre majesté. » Le roi se rapprocha d'elle et se mit presque à ses genoux. Il était beau comme les anges et naïf comme une jeune fille. Ses mains tremblaient en dénouant les cordons du loup. Il ne l'enleva pas tout d'un coup, mais petit à petit pour goûter doucement sa surprise et son bonheur. La dame baissait les yeux et ses joues étaient plus rouges par l'émotion que par le fard. « Madame de Saint-Leu ? » s'écria-t-il. « Oui, sire, » répondit la comtesse en fléchissant presque les genoux. « Je me doutais bien peu de cette découverte. Oh, madame, pourquoi me l'avoir fait attendre si longtemps ? Si longtemps, sire, depuis hier. Vous ne savez pas quelle nuit j'ai passé ? Combien j'ai pensé à vous ? Combien de fois j'ai cherché dans ma mémoire les noms qui pouvaient aller à ce que je voyais de vous-même ? J'ai songé à vous et j'ai rejeté cette pensée. Je n'aurais jamais osé y croire. C'est que, en causant hier avec votre esprit, j'ai dit « Vous devez être belle ». À présent que je vois votre adorable visage, j'y ajoute « Vous devez être bonne. Ne me faites pas mentir. » Que dois-je faire pour cela ? Tout ce que vous voudrez, c'est à vous de choisir. Hélas, je ne sais. Que puis-je pour vous, sire ? Ce que vous pouvez. Mais vous pouvez tout. Vous pouvez me révéler tout un monde de sensations nouvelles. Vous pouvez faire battre mon cœur à votre aspect. Vous pouvez m'imposer une contrainte, à moi qui n'en ai jamais souffert. Vous pouvez m'aimer, enfin. Sire, ce langage est un peu hardi, peut-être, et de ma part, il a sans doute quelque chose de plus blessant encore. J'ai l'air d'exiger, moi, qui supplie. Vous m'aviez donné l'espérance cette nuit, et ce matin, vous êtes plus sévère que jamais. Prenez-y garde, cela ressemble à du caprice. Je n'ai pas la prétention d'être parfaite, sire. Le roi se leva et se mit à se promener en silence. Il était sous l'influence d'une préoccupation pénible, sans doute. Tout à coup, il se rapprocha d'elle, la regarda attentivement des pieds à la tête, fit un léger mouvement de surprise et reprit « Ne vous ai-je pas promis de vous accorder la première chose que vous me demanderiez en me présentant cette bague qui vous a servi d'introduction ?»« Oui, sire, Eh bien, que désirez-vous ? Un régiment. Pour votre mari ? Non, sire. Pour servir de dot à un homme que ma sœur aime et qu'on ne veut pas lui laisser épouser parce qu'il s'est ruiné. Quel est cet homme ? Monsieur de Fressange, capitaine aux gardes. Comment s'est-il ruiné ? En plaçant sa confiance dans un faux ami qui a abusé de sa signature. C'est honorable. Il aura le régiment et votre sœur l'épousera. Elle fit le geste de se mettre à genoux, le roi la releva. Vous ne me devez point de remerciements, j'acquitte une promesse. Et pour vous, que voulez-vous ? Rien, sire. Quoi ? Rien ? Vous demandez pour les autres et rien pour vous ? Je vous en sais gré, cela n'arrive pas souvent. Et l'autre ne vous a-t-il chargé d'aucune commission ? Quelle autre, sire ? Celle qui était au bal hier. Le masque à qui j'ai parlé toute la soirée. Comment, le roi croit ? Ce n'est pas vous. Je n'y ai pas été trompé longtemps. Je me suis tu afin de vous laisser venir. J'ai voulu voir jusqu'où vous pousseriez la comédie. Mais en vérité, sire, en vérité, madame, je ne suis point un niais, tout novice que je puisse être, et j'ai parfaitement reconnu l'erreur. La taille est semblable, c'est vrai, le pied, la main diffèrent totalement, le son de voix surtout. Tant que vous n'avez prononcé que des monosyllabes, tant que j'ai pu mettre sur le compte de l'embarras le changement que je remarquais, j'hésitais dans ma croyance. À présent, je ne doute plus. Hier au bal, je dissimulais mon organe, le masque. Non, non, vous dis-je, c'est une tromperie. Mon Dieu, je ne m'en fâche pas. Et si vous me confiez la raison de tout ceci ? Il n'en sera plus parlé, mais je veux tout savoir. Que le roi me pardonne, je ne puis le lui dire. Et pourquoi ? Ce n'est pas mon secret. Quoi, lorsque je le veux ? Votre Majesté m'a fait la grâce de m'apprendre tout à l'heure qu'ici, elle n'avait pas de volonté. C'est vrai, alors je vous en prie. Je suis forcé de refuser. Allons, il est écrit que je ne saurais rien. Absolument rien par moi, sire. Et par elle ? Ceci la regarde, je l'ignore. Et si je le lui demande ? Votre Majesté ne la verra pas. Et si je lui écris ? Comme le roi voudra. Lui remettrez-vous ma lettre ? J'obéirai aux ordres de sa Majesté. Le roi prit une plume et écrivit « Vous m'avez traité en roi, madame. Vous m'avez envoyé un ambassadeur et c'est un honneur que je refuse. Les pouvoirs dont vous avez chargé votre envoyé extraordinaire sont si peu étendus que je n'en puis rien apprendre. C'est avec vous seul, d'ailleurs, que je désire traiter. C'est vous seul que je veux entendre. Venez donc où il vous plaira de me rencontrer et quelle que soit la raison qui vous éloigne, apprenez-la moi, je vous en supplie. » Louis XV ploya ce billet, le remit à la comtesse, et se levant le premier, il la congédia par ce geste, sans chercher à profiter de la bonne fortune qui lui était offerte, sans attaquer une vertu qui se serait peut-être défendue, mais qui aurait peut-être cédé de bonne grâce. Plus tard, le roi, devenu habile en séduction, se repentit de cette candeur enfantine. Il voulut réparer cette faute. La comtesse, une des plus jolies femmes de la cour, ne se montra pas disposée à se soumettre. Soit rancune, soit honnêteté, elle s'arma des rigueurs les plus tigresses, tant il est vrai que l'occasion fait tout. Deux jours après cette scène, M. de Richelieu reçut la lettre suivante. « Voulez-vous bien, monsieur le duc, remettre au roi seul le paquet ci-joint ? Il vient de la part du masque qui l'a intrigué au bal. Le roi désire que tout le monde ignore cette aventure, et moi je vous en prie. L'ordre du roi, la prière d'une femme suffiront, je n'en doute pas, pour obtenir de vous cette discrétion, la seule des vertus amoureuses qui vous manque. Il vous faut bien de l'esprit et bien du bonheur pour la remplacer comme vous le faites. » Le domino est malin, pensa le duc. Je ne m'étonne pas qu'il amuse le roi. Je l'en crois plus occupé qu'il ne le dit, car depuis ce rendez-vous de l'autre jour, il n'est plus le même. Tant mieux. Un prince amoureux est une mine inépuisable pour un courtisan adroit. Nous verrons bien. Le soir, après son souper, le roi, triste et souffrant, se retira sans vouloir assister au jeu. Richelieu le suivit et, s'approchant sans affectation, « J'ai une lettre pour le roi, » lui glissa-t-il à l'oreille. Le prince rougit singulièrement. « Messieurs, j'ai à parler au duc de Richelieu, » dit-il à son service qui l'entourait. « Je ne me coucherai que dans un quart d'heure. » Chacun se retira. « Eh bien, Richelieu, donnez, donnez vite. Qui vous a remis cela ?»« Personne, sire. On l'a déposé chez mon Suisse avec un petit billet passablement impertinent. Je n'en sais pas davantage. » Le roi se hâta d'ouvrir la lettre. Sa main tremblait. C'était sa première lettre d'amour. Les rois sont si heureux de retrouver quelquefois les impressions des autres. Vous l'exigez, sire, vous serez obéi. Mais cet ordre est bien cruel. Ce que je vais vous révéler est certainement l'aveu le plus pénible à faire pour une femme. Il me faudra, pour m'excuser, vous laisser lire dans le fond de mon cœur, et j'y trouverai certainement une humiliation de plus. Néanmoins, je ne veux pas vous refuser la seule chose que j'aurai à vous accorder dans ma vie. En vous reconnaissant l'autre jour chez la Gillette, je fus plus surprise que je ne puis vous l'exprimer. Il me vint en tête que vous ne consultiez la sorcière que pour une affaire de cœur. L'amour est superstitieux. La curiosité s'en mêla, et je me promis de surprendre votre secret. Au bal, votre voix me frappa. Certainement, si je ne vous avais pas rencontré une heure avant, j'aurais repoussé cette supposition comme une chimère. Votre compagnon, qui venait de vous répondre, acheva de me convaincre. Je m'attachai à vos pas, vous savez le reste. Mais ce que vous ne savez pas, ce que vous ne saurez jamais, c'est l'impression que produisirent sur moi vos paroles de tendresse, vraies ou fausses. Je me laissais aller à une illusion ravissante, et j'oubliais comme une folle ce que vous étiez et ce que j'étais. Bientôt, vous me demandâtes de me revoir, et ce fut là une cruelle épreuve, car je me rappelais, moi, que cela était impossible. Je combattis alors cette proposition trop éloignée de mes désirs. Je désirais vous laisser une impression douce et ineffaçable, en conservant ce mystère qui va si bien à l'amour. Vous m'aviez dit ces mots. Je me souviendrai toujours que je vous dois mon premier plaisir. Je sentais qu'il en fallait rester là. Vous avez exigé qu'il en fût autrement. J'ai dû le promettre, et nous nous sommes séparés. En vous quittant, sire, en songeant que le lendemain je vous reverrai, que vous seriez pour moi galant, empressé comme vous venez de l'être, mon cœur battit si vite que cela devint une souffrance. Cette chimère brillante dut bientôt faire place à la réalité. Il fallait ôter mon masque. Et ce moment se présentait à moi dans toute son horreur. Je suis laide, sire. Je le suis au point de ne pouvoir conserver la plus légère espérance de plaire à personne. Depuis longtemps, j'en ai pris mon parti, en songeant que j'évitais ainsi les regrets de la vieillesse. D'à présent seulement, j'ai compris tout ce que ma laideur me faisait perdre. Pourtant, vous deviez m'attendre. Comment faire? Je vous envoyai à ma place une amie dévouée, qui me jura de ne point trahir mon secret. J'espérais que vous vous y tromperiez. Je l'espérais et je la craignais. Vous pouviez l'aimer, elle, car elle est jolie. Hélas, je souffris mille tourments pendant cette entrevue. Votre lettre, vos ordres, sont venus m'arracher au mystère dont je m'enveloppais. Mais je vous en supplie, je vous en conjure à genoux, ne m'obligez pas à me nommer. Gardez de moi un souvenir qui ne soit point flétri par mon visage. Croyez en mon esprit, croyez en mon cœur, et que ce soit tout ce que vous connaissiez jamais de moi. Vous avez tenu votre parole de gentilhomme en accordant à ma jeune amie ce qu'elle a imploré de vous. Et moi, n'ai-je pas le même droit qu'elle? Je ne demande que cette grâce. Me sera-t-elle refusée? Adieu, sire, adieu. Quand vous aurez quelque chagrin, quelque déception, pensez qu'il y a près de vous un dévouement à toute épreuve. Pensez que rien dans le monde ne pourra ni l'éteindre ni l'affaiblir. Laissez-moi mon masque pour vous aimer et croyez-moi sur parole. Après avoir lu cette lettre, le roi réfléchit longuement. Il prit une plume et répondit « Je me souviendrai toujours et je n'espérerai jamais. » Envoyez cela à la comtesse de Saint-Leu, mon cher Richelieu. C'est un brevet de colonel qu'elle m'a demandé en dot pour Fressange, qui doit épouser sa sœur. Je vous recommande ce papier, il est important. Et vos amours, sire? Passons chez la reine. Elle sera bien aise de me voir au jeu. Et mon mal de tête est entièrement dissipé. 25 ans après, Louis XV jouait un soir au tric-trac chez la marquise de Pompadour, avec elle, madame de Beaubourg et le duc de Richelieu. On parla des bals masqués de cette année. Madame de Pompadour dit qu'ils étaient charmants, qu'on s'y amusait beaucoup et que le roi devrait y aller. « Je n'y entrerai jamais, marquise. Un bal masqué se rattache le seul souvenir entièrement pur de ma vie. Vous en souvenez-vous, mon cher duc ? » Et il raconta cette anecdote telle qu'elle vient de l'être à l'instant. Chacun fit ses conjectures et ses remarques. « Vous n'avez pas eu de soupçons, vous n'avez rien su de plus, sire, » dit le maréchal. « Absolument rien. Cependant, ma bague est restée comme pièce authentique. Cette femme devrait se faire reconnaître si elle vit, car enfin elle n'est pas plus laide aujourd'hui que toutes les vieilles femmes. C'est son beau moment, elle n'a rien perdu. » Madame de Beaubourg fit plusieurs fautes qui lui attirèrent des remontrances auxquelles elle ne répondit pas. Son esprit semblait occupé d'étranges manières. À la fin de la partie, elle tira comme par distraction une chaîne d'or qu'elle portait dans sa robe et retourna du côté du roi le chaton d'une bague qui y était suspendue. Louis XV tressaillit et s'en empara. Détachant en silence le cadenas de la chaîne, il en retira l'anneau, et le passant au doigt de la vicomtesse, il lui baisa la main. « Je n'ai rien oublié, » dit le roi à voix basse. « Et rien espéré, » répondit-elle. « Vous n'en êtes pas fâché aujourd'hui, sire, n'est-il pas vrai ?» Madame de Beaubourg se leva tout émue. Le lendemain, en apercevant la bague merveilleuse qu'elle avait cachée à tous les yeux, on lui en demanda l'origine. « C'est le plus beau joyau de mon existence, » dit-elle. « C'est le seul, hélas. Et encore ne l'ai-je porté qu'une nuit de bal masqué. » Ainsi s'achève 24 heures d'infidélité par la comtesse d'H.